بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم لهذا الدرس 31 في تفسير كتاب الله تعالى Bienvenue à ce 31e cours pour l'exégèse du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. وقد قلنا في الدرس السابق إننا سنتكلم اليوم عن شروط التوبة. On a dit lors du cours précédent que nous allons aborder aujourd'hui le sujet des conditions du repentir. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالتوبة في كتابه. Certes, Allah, le Très-Haut, il nous a ordonné de nous repentir dans son livre. Allah Ta'ala, il dit: Ya ayyuha alladhina amanu, toubou ila Allahi tawbatan nasuha. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Wa qad wa'adana Allah tabaraka wa ta'ala biqabuli at-tawba aw biqabuli tawbati at-ta'ibin. Et certes, Allah le Très-Haut, il nous a promis qu'il allait accepter le repentir de ceux qui se repentent. Allah Ta'ala qui dit: Innama at-tawbatu 'ala Allahi lil-ladhina ya'maluna as-su'a bi-jahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima. Certes, Le repentir. Certes, Allah accepte le repentir de ceux qui accomplissent de mauvaises actions par ignorance. On a déjà vu al-murad bil jahala ay alladhina la ya'lamuna haqiqata ma yatarattabu 'alayhi aw ma yatarattabu 'ala hadha adh-dhanb. On a déjà vu ce qui est voulu par l'ignorance ici. Donc ce sont ceux qui ne connaissent pas les réels impacts et les réelles conséquences de leur péché, qui ne connaissent pas le châtiment qu'il y a à la fin. Et donc c'est ce qui est voulu par ignorance. Certes, le repentir, Allah tabaraka wa ta'ala accepte le repentir de ceux qui accomplissent de mauvaises actions par ignorance, puis ils se repentent tôt. Alors, ceux-là, Allah tabaraka wa ta'ala, ils acceptent leur repentir, et certes, Allah est connaisseur et sage. Fait al-ibadu di'af, et donc les serviteurs, ils sont faibles. Yaqa'una fi dhunubi wal ma'asi, ils tombent dans les péchés. Fait yanbaghi lahum an ya'rifu ma hiya shurut at-tawbah. Et donc, il est convenable que les serviteurs connaissent quelles sont les conditions du repentir, afin de pouvoir nous repentir à Allah de façon correcte et espérer sa miséricorde et qu'il ne nous châtie pas au jour de la résurrection. فَأَوَّلُ هَذِهِ الشُّرُوطِ الْإِخْلَاسِ. Et donc, la première de ces conditions est la sincérité. Aïe an takuna tawbatu lillahi ta'ala. C'est-à-dire que ce repentir doit être fait pour Allah ta'ala seul. Lianna l'insan kod yatubu liyanela amran min hadhihi dunya. Ka an yatuba liyamdahahu nas. Au yatub firaran min madhammatin nas. أو يتوب للحصول على مال أو مكانة عند الناس. Et donc, il faut que le repentir soit sincère à Allah Ta'ala. Car il se peut que l'être humain, que l'individu, se repente pour obtenir quelque chose qu'il y a de ce bas monde. Comme le fait de se repentir pour que les gens lui fassent des éloges. Masha'Allah, il s'est repenti, Masha'Allah. Tab il Allah, il veut que les gens lui fassent des éloges. Ou alors le fait de se repentir pour éviter que les gens ne le blâment. éviter que les gens ne le, que les gens ne le blâment. Ou alors le fait de se repentir pour obtenir un certain rang. Ou pour obtenir de l'argent. فَمَنْ كَانَتْ تَوْبَتُهُ كَذَلِكَ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ. Alors celui dont son repentir, il est comme tel. Il s'est repenti pour un sujet mondain, pour éviter que les gens ne le blâment, ou pour que les gens lui fassent des éloges. Celui qui est dans ce cas-là, son repentir n'est pas accepté. لَا تُقْبَلُ مِنْهُ لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. Car Allah Ta'ala, il n'accepte que ce qui est spécifique pour lui. Il n'accepte pas le polythéisme. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah Ta'ala, il a dit, celui qui accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe à un autre que moi, je le délaisse lui et son œuvre. Je le délaisse lui et son œuvre de polythéisme. Fatoub ila Allahi wahda. Alors, repens-toi à Allah seul et ne cherche pas les éloges des gens. Ou n'aie pas peur que les gens te blâment. الشرط الثاني الذي ذكره أهل العلم الإسلام لأن الله تعالى لا يقبل من الكفار. La deuxième condition que les savants ont citée est l'islam. Car Allah Ta'ala n'accepte pas des incroyants. C'est une condition que tu sois musulman. Allah Ta'ala qui dit dans son livre وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui recherche autre que l'islam comme religion, il ne sera pas accepté de lui. Et il fera partie des perdants dans l'au-delà. فَالْكُفَّارْ قَدْ يَتُوبُونَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَلَا تَنْفَعُهُمْ هَذِهِ التَّوْبَ حَقِيقَةً حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ. Et donc, il se peut que les incroyants, ils se repentent de leurs péchés. Parfois, ils font des péchés, ils se sentent mal, ils veulent se repentir auprès de leur Seigneur, celui qui les a créés. Mais se repentir ne leur est pas profitable, réellement. Car, ils n'ont pas cette condition, l'islam. C'est une condition d'être musulman. الشرط الثالث هو الإقلاع عن الذنب لأن التائب الذي لم يترك معصيته حين توبته لا يسمى تائبا لأن التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى. Et donc, troisième condition, c'est le fait de délaisser le péché. Car celui qui se repent et qui n'a pas délaissé son péché lors de son repentir, alors ce n'est pas, il ne s'est pas repenti. On n'appelle pas ça quelqu'un qui se repent, parce que celui qui se repent, il revient vers Allah. Le repentir, c'est le fait de revenir vers Allah. وَذَكَ لَمْ يَرْجِعْ مَزَلَ بَاقِيًا عَلَى مَعْصِيَتِهِ. Et celui-ci, il n'est pas revenu. Il est encore en train d'accomplir son repentir. Il est encore en train d'accomplir son péché. فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ التَّوْبَةُ. Et donc ce repentir n'est pas accepté. Son repentir n'est pas accepté. الندم وهذا هو الشرط الرابع. Le regret. Et voilà ici donc la quatrième condition du repentir. فالمؤمن لا يفرح ولا يفتخر لعلمه بأنه قد يعاقب على هذا الذنب ولعله ولعلمه أنه عصى ربه وخالقه. Et donc, la quatrième condition est le regret. Lorsque tu te repens, tu dois regretter cet acte que tu as fait. Le croyant, il n'est pas fier d'avoir accompli un péché. Il n'est pas content d'avoir accompli un péché. Il n'est pas heureux d'avoir accompli un péché. Il ne s'en vante pas. Souvent, parfois, on a ce problème. Des frères qui faisaient des choses et qui ensuite ils vont te dire « Ah, mais tu sais pas ce que je faisais avant, moi !» Comme s'ils s'en vantent. On doit regretter ce qu'on a fait. Tu ne dois pas aimer cela, car tu sais qu'il se peut que tu sois châtié à cause de cet acte que tu as fait. Comment peux-tu être heureux? Comment peux-tu être fier de quelque chose que tu as fait alors qu'il se peut que tu sois châtié à cause de ça? Et le croyant n'est pas heureux, n'est pas fier de ce qu'il a fait comme péché, car il sait qu'il a désobéi à son Seigneur, son Créateur, celui qui lui permet de respirer à chaque seconde de la journée. Il sait qu'il lui a désobéi. Comment peut-il être heureux et fier de lui? Et donc, parmi les conditions du repentir, il y a le regret. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-isyan ulaika humur rashidun. » Cependant Allah, il vous a fait aimer la foi. Allah, il vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans vos cœurs. Et il vous a fait détester la mécréance, la perversion et les péchés. Ceux-là sont ceux qui ont suivi la voie. Ce sont ceux qui ont suivi la bonne voie. Ar-Rashidun. فَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ حَبَّبَ اللَّهُ إِلَيْهِمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ فِي قُلُوبِهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ الْفُسُوقُ أي الذنوب الكبيرة والعصيان ما كان دون ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أي الَّذِينَ صَلُحَتْ عُلُومُهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ وَضِدُّهُمْ الْغَاوُونَ الذين انحرفوا عن علم فهؤلاء الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان. Et donc ces gens-là, ce sont ceux que Allah Ta'ala, il leur a fait aimer la foi et il leur a fait détester la mécréance, la perversion. Ce qui est voulu par la perversion, ce sont les grands péchés. Allah leur a fait détester la perversion. Ainsi que les péchés, ce qui est voulu ici, c'est tout ce qui est en dessous des grands péchés. Ils détestent cela. Allah tabaraka wa ta'ala leur a fait détester cela. Alors ceux-là, ce sont ar-rashidoun, ceux qui suivent la bonne voie. Ce sont ceux dont leur science et leurs œuvres sont correctes. Leurs sciences et leurs œuvres sont conformes. Ils agissent avec ce qu'ils savent. Et il se peut qu'ils tombent dans des péchés. Mais lorsqu'ils tombent dans des péchés, ils détestent cela et ils reviennent. Comme on l'a vu tout à l'heure. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala accepte le repentir de ceux qui accomplissent de mauvaises actions par ignorance, puis se repentent tôt. Ce qui est voulu par le repentir tôt, c'est avant la mort. وَدِدُّهُمُ الْغَارُونَ et leur contraire, le contraire de ces gens-là, donc de ceux qui détestent la mécréance, les grands péchés et autres, leur contraire, c'est ce qu'on appelle en arabe الْغَارُونَ, ceux qui ont dévié. Ceux qui ont dévié avec la science. Ils savent que c'est interdit, mais ils le font quand même et aiment le faire. Pourquoi? Parce que ces gens-là, on leur a fait aimer la mécréance, la perversion et les péchés. Le contraire de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité auparavant et qu'il a fait leur éloge. Le croyant n'est pas fier de ses péchés. C'est une condition pour que ton repentir soit accepté, que tu regrettes. Tu ne peux pas te repentir et tu es fier de ce que tu as fait comme péché. الشرط الخامس العزم على عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى. La cinquième condition, la ferme intention de ne pas retomber dans ce péché une autre fois. La ferme intention de ne pas y retomber. فلا تصح التوبة ممن يتوب وهو ينوي الرجوع إلى الذنب بعد ذلك. Et donc, le repentir de celui qui se repent en ayant l'intention de revenir vers le péché après cela, son repentir n'est pas accepté. Il dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, wa atubu ilayhi, Allahumma aghfirli, etc. Mais il a l'intention que dans quelque temps il va revenir dans ce péché. Celui-ci, son repentir n'est pas accepté. Car il n'a pas encore quitté le péché. Comme une personne qui a accompli la fornication et qui ensuite se repent en ayant l'intention de retomber dans ce péché dans quelques jours. Ce repentir n'est pas accepté. فمن كان كذلك لا تصح توبته اما من تاب وعزم على عدم الرجوع الى هذا الذنب فان توبته صحيحه وان وقع في الذنب بعد ذلك لضعف او غير ذلك. Tandis que celui qui se repent, qui délaisse le péché, il se repent en ayant la ferme intention de ne pas retomber dans ce péché. Alors celui-ci, son repentir est accepté. Même si par la suite, il se peut que par faiblesse, il retombe dans le péché encore. Même s'il retombe dans le péché encore par la suite, son péché, son repentir est accepté. Pourquoi ? Parce qu'il avait la ferme intention de délaisser ce péché et de ne pas retomber dedans. فَحِنَا إِذِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ مَرَّةً أُخْرَى وَالتَّوْبَةُ الْأُولَى كَانَتْ صَحِيحَةً. Et à ce moment-là, s'il est retombé dans le péché, il lui est donc obligatoire de se repentir d'une autre fois. Mais le premier repentir, il était accepté. Le premier repentir, il était déjà accepté. Et donc le deuxième repentir concerne les péchés qui sont venus après le premier repentir. Ash-shartu as-sadis. An takuna hadhihi at-tawbah qabla al-ajal. La sixième condition est que ce repentir soit fait avant le temps délimité. Wal ajalu ajalan. Et il y a deux formes de temps délimité. Ajalun am wa ajalun khas. Un qui est général et l'autre qui est spécifique à chacun. Amma al am fa yajib an takuna at-tawbatu qabla tulu'i ash-shamsi min maghribiha. En ce qui concerne le temps qui est délimité de façon générale, alors il est impératif que le repentir se fasse avant que le soleil ne se lève de son couchant. Avant que le soleil ne se lève de son couchant. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, « Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik, la yanfa'u nafsan imanuha, lam takun amanat min qabl, aw kasabat fi imaniha khayra. » Le jour où certains signes de ton Seigneur apparaîtront, la foi de chacun ne lui sera point profitable. C'est-à-dire que le jour où ce signe-là viendra, la personne qui aura la foi ce jour-là, qui croira en Allah et en son messager, cette foi-là, elle ne lui sera pas profitable si elle n'avait pas eu la foi auparavant. Et les bonnes actions qu'elle fera à ce moment-là ne lui seront pas profitables. Car c'est fini. Le temps délimité est arrivé. قال العلماء التفسير المراد بهذه الآية هو طلوع الشمس من مغربها. Certes, les savants du tafsir, ils ont dit ce qui est voulu par ce signe, le jour où viendra un signe de ton Seigneur, Ce qui est voulu par ce signe, c'est le fait que le soleil, il se lève de son couchant. وأنتم تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Et certes, vous connaissez tous la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit l'émigration ne s'arrête pas tant que le repentir ne s'arrête pas. Et le repentir ne s'arrêtera que lorsque le soleil se levera de son couchant. Le soleil se levera de son couchant. Et donc voilà pour le temps général, la limite générale. Amma al-thani wa huwa al-khas fa 'inda hudur al-maut. En ce qui concerne le temps qui est spécifique à chacun, alors, c'est à la venue de la mort. Lorsque la mort vient à chacun et qu'il est en train d'agoniser, alors le repentir n'est pas accepté. Car lorsque tu agonises et que tu es en train de mourir, tu vois ce que tu ne voyais pas auparavant. C'est trop tard pour te repentir. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Et certes, le repentir n'est pas accepté pour ceux qui accomplissent de mauvaises actions jusqu'à ce que la mort leur vienne. Et ensuite, ils disent « Maintenant, je me repens. » Et le repentir n'est pas non plus accepté pour ceux qui meurent en état de mécréance. Ceux qui meurent en état de mécréance. Yawm al-Qiyamah, le repentir n'est pas accepté. Alors cela, Allah, cela, nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Al-Shartu al-Sabi' wal-Akhir. Et donc, la septième et dernière condition que nous citons, ذكر العلماء أنه يجب على من تعلق إثمه بحق غيره أنه يجب عليه أن يرد حقه إلى صاحبه المظلوم. Les savants, ils ont cité qu'il est obligatoire à celui dont son péché est lié au droit d'autrui. Il lui est obligatoire de rendre le droit à son propriétaire qui a subi l'injustice. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Le prophète l'imam مسلم رحمه الله a cité selon أبي هريرة رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: certes, vous allez rendre leurs droits à leurs propriétaires. Vous allez rendre leurs droits à leurs propriétaires, à leurs ayants dû, au jour de la résurrection. C'est inévitable. Vous allez le faire. Vous allez le faire, c'est inévitable. À tel point que il sera rendu justice à la chèvre qui n'a pas de corne, de la chèvre, qui avait des cornes. Cette chèvre qui lui a fait injustice. Il sera rendu justice, même entre les animaux. Hatta fil bahaim. Alors que dire des êtres humains? Que dire des êtres humains? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incite à nous repentir, il nous dit qabla thamma. ليس ثمة دينار ولا درهم ولكن حسنات وسيئات. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam que se repentir, le fait de rendre le droit aux autres, doit se faire avant Yawm al-Qiyamah. Là-bas, il n'y a pas de dinar, il n'y a pas de dinar ni de dirham, il n'y a pas d'argent là-bas. C'est pas avec de l'argent que tu vas redonner aux gens leurs droits, mais c'est avec des hasanat et des sayyi'at, des bonnes actions et des mauvaises actions. des bonnes actions et des mauvaises actions. Alors fais attention à préserver tes bonnes actions, qu'elles ne partent pas aux autres au jour de la résurrection, car tu en auras besoin. Et fais attention à ce que tu ne prennes pas les mauvaises actions des autres à cause des injustices que tu as faites. Et donc, parmi les conditions du repentir, le fait de rendre le droit à tous ceux à qui on a fait des injustices. فَهَذِهِ هِيَا شروط التوبة التوبة التي أحببت ذكرها وإن تكلمنا عنها سابقا ولكن الأمر مهم ونحن كلنا نحتاج إلى مثل هذه التذكرة. Et donc voilà les conditions du repentir que je voulais citer, même si on a déjà abordé ce sujet dans cette mosquée. Cependant, le sujet est quand même important. On a tous besoin de ce genre de rappel. Donc, Inch'Allah ta'ala, vendredi, on finit surat al-Buruj bi-idhnillahi ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa arda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.